Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je vais dire à quelqu'un, cette année, le Seigneur va essuyer tes larmes. Tu as pleuré pendant longtemps. Le Seigneur va faire de grandes choses, de grandes surprises. Ne pleure plus. Maintenant, compte sur le Seigneur. Tu as compté sur tes propres forces. Tu as compté sur les hommes. Maintenant, compte sur le Seigneur et tu verras de quoi il est capable. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à notre espace, notre émission de prière, OSB, opération sur la brèche. Le passage du jour, c'est Juges chapitre 6, 14 à 15. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons notre texte du jour, Juges 6, 14 à 15. L'Éternel se tourna vers lui et dit : Va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Nous avons lu Juges chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 16. Je voudrais partager avec vous deux grandes vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. « Va avec la force que tu as. » Ça, c'est le commandement que Dieu donne à chacun de nous. Il te donne à toi qui m'entends. Cette année, va avec la force que tu as. Le verbe aller, quand Dieu dit va, c'est-à-dire tu dois bouger. Tu es resté longtemps passif, croisant les mains. Je vais dire à quelqu'un, tu as un grand diplôme. Tu as, je ne sais pas, master, tu as doctorat. Mais tu n'as pas de l'emploi. Tu restes toujours chez tes parents. Ce n'est pas normal. Cette année, tu dois bouger. Tu dois être autonome. Le Seigneur te dit, va avec la force que tu as. Je vais parler à une femme veuve. Tu as perdu ton mari et tu ne fais que pleurer. La famille de ton mari, ta belle famille est en train de te persécuter. Cette année, le Seigneur va faire quelque chose. Il va te rendre autonome au point où tu vas pouvoir à tes besoins et ceux de tes enfants. Le Seigneur te dit, tu dois te lever. Va avec la force que tu as, tu dois bouger. Lorsque Dieu parlait à Gédéon, c'était une période difficile où les Madianites dominaient sur Israël. Il y avait une période de famine. Mais le Seigneur dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Souvent, nous sommes ignorants de cette force-là. Parce que Gédéon disait, avec quoi délivrerai-je Israël ? Avec quoi ? Tu ne vois rien. Tu dis, je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent. Je ne travaille pas. Je n'ai pas ceci. Le Seigneur dit, il a déposé quelque chose en toi, un potentiel qui dort. Tu dois réveiller ce potentiel. Quand le Seigneur dit, va avec la force que tu as, qu'est-ce que cette force représente pour nous, pour toi ? Je vais dire 5 choses qui représente une force peut-être que tu ignores. Premièrement, la force, c'est la présence du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais, lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en toi. Et le Saint-Esprit te communique la puissance, la supériorité sur tout autre esprit. Le Saint-Esprit te donne la capacité de faire de grandes choses. C'est l'esprit de sagesse, d'intelligence. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Si le Seigneur t'a appelé au ministère, tu as la puissance du Saint-Esprit. Tu as cette onction qui te donne la capacité de prêcher la parole, de prêcher l'évangile, d'accomplir de grandes choses. Le Saint-Esprit, c'est un esprit supérieur. Tu te rappelles de l'histoire de Daniel. Lorsque Daniel il travaillait à côté de Satrape, C'était des gens qui s'adonnaient à des pratiques mystiques magiques. Mais la Bible nous dit que Daniel avait un esprit supérieur. L'esprit supérieur aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est une force. Même lorsque tu es parmi les mystiques, les sorciers, ils reconnaissent que le Saint-Esprit qui est en toi est au-dessus d'eux. Va avec cette force que tu as. N'aie plus peur des sorcières. Va avec cette force que tu as. Si le Seigneur t'a dit, va construire une maison village, va construire quelque chose, n'aie pas peur. Ne dis pas, si je construis une maison, si j'achète un terrain, les gens verront, ma famille verront, ils vont me bouffer. Non, va avec la force que tu as. Le Saint-Esprit te donne cette force, cette capacité extraordinaire. La force que tu as aussi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il est écrit, vous êtes fort parce que la parole de Dieu habite en vous. La parole de Dieu, c'est une puissance capable de transformer l'humanité. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La parole de Dieu, c'est une puissance. Va annoncer l'évangile. Cet évangile est capable de transformer. Je veux parler à un parent. Ton fils marche maintenant avec les drogués. Ton fils ne veut plus aller à l'école. Mais le Seigneur te dit, au lieu de t'alarmer, tu as une force en toi. Fais-le asseoir. Oui, prie et tu vas lui communiquer la parole. Va avec cette force que tu as. La parole de Dieu est une force, une puissance extraordinaire. Lorsque Jésus était tenté dans le désert par le diable, qu'est-ce que Jésus utilisait? C'est la parole de Dieu. Il pouvait dire, il est écrit. Oui, lorsque la parole de Dieu habite en toi, c'est une force. Même dans les combats spirituels, va avec cette force-là. Va avec la parole de Dieu. Tu vas combattre tes ennemis. Tu auras la supériorité. La force que tu as, c'est encore quoi? Troisièmement, ce sont les talents et les dons que Dieu t'a donnés. Lorsque, par exemple, tu sais coudre les habits, tu as les talents de couturier, qu'est-ce que tu en fais? Au lieu toujours d'aller chercher, j'ai l'honneur, ici par là, tu écris des lettres d'emploi. Oui, c'est vrai, tu peux travailler. Mais le Seigneur veut que cette année, tu exploites ses potentiels. Je vais dire à une maman, Dieu t'a donné ce talent, tu sais préparer la nourriture. Qu'attends-tu pour commencer ton restaurant? Ceux qui ont des grands restaurants là, ils commencent petit. Commence avec le peu que tu as. Commence à préparer. Tu vas voir, Dieu va développer cette entreprise. Va avec la force que tu as. Si tu as la capacité de faire le commerce, commence à faire cela. Commence. On commence d'abord petit. Ne néglige pas. Ne dis pas non, j'attends d'abord que j'ai 500 000, j'ai 1 million. Non, commence d'abord avec le petit que tu as. Tu as des talents, tu as la capacité. Va avec la force que tu as. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a donné la capacité musicale. Tu as les dons, tu sais composer des cantiques, tu sais chanter. Mais que fais-tu pour exploiter cela? Tu es en train de faire dormir ce talent que Dieu t'a donné. Si tu veux voir la manifestation de la gloire de Dieu cette année, commence à exploiter les talents, les dons que Dieu t'a donnés. N'étouffe pas les dons. L'année écoulée, tu étais toujours passif avec les soucis. L'angoisse a étouffé les dons que Dieu t'a donnés. Libère ces dons que Dieu t'a donnés. Libère ces dons que Dieu t'a donnés. Et tu verras que Dieu va te bénir. Va avec la force que tu as. La force que tu as, c'est encore quoi? Quatrièmement, ce sont les biens, c'est l'argent que Dieu t'a donné. Les biens que Dieu t'a donné. Tu as par exemple quelque chose à la maison. Comment s'exploiter cela? Tu te rappelles de l'histoire de cette femme veuve, la femme du prophète. Son mari est décédé dans 2 Rois chapitre 4. Et elle est venue voir Élisée en disant, mon mari est mort. Maintenant, mon mari a laissé des dettes. Il veut faire les créanciers sont venus pour faire de mes enfants leurs esclaves. Mais Élisée lui a dit, qu'as-tu à la maison? Tu as quelque chose à la maison à partir de laquelle Dieu veut te bénir. Elle a dit, je n'ai qu'une petite quantité d'huile. Nous négligeons souvent ce que nous avons. Tu as quelque chose que tu as à la maison. Dieu lui a dit, va vendre l'huile. D'abord, il lui a demandé d'aller demander des vases vides chez les voisins et de commencer à verser. Et à partir de cette huile-là, cette petite quantité qu'elle a négligée, Dieu l'a bénie. Dieu lui dit, va vendre l'huile. Tu as quelque chose, tu as des biens que Dieu t'a donné, ne néglige pas. Tu as un terrain que tu as. Que fais-tu? Tu n'exploites pas cela? Tu as un héritage que les parents t'ont laissé. Que fais-tu de cet héritage? La force que tu as, c'est aussi l'argent. Ne néglige pas. Même si tu as un petit montant, tu peux commencer. Il y a des gens qui ont commencé avec 5 000, 10 000 francs pour commencer une petite activité. Et Dieu les a bénis. Bien-aimés, le Seigneur te dit cette année, va avec la force que tu as. Deuxième grande vérité, bannis les complexes d'infériorité, car Dieu sera avec toi et te donnera la victoire sur tes ennemis. Vous voyez, ici, Gédéon dit au verset 15, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Verset 16, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Le complexe d'infériorité t'empêche de sortir, de t'épanouir. Écoutez ce que Gédéon disait. « Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Pourquoi te focalises-tu toujours sur ta famille? Ma famille la plus pauvre, ma famille où la famille où il y a le plus grand nombre de sorciers, ma famille est ceci. » Mais dans toutes les familles, il y a des problèmes, il y a des sorciers. Mais pourquoi tu es complexé? Mon village n'est pas connu. Non, je suis le plus petit, je suis le plus vilain. Il y a des gens qui aiment utiliser ces superlatifs dans le sens négatif. Non, Dieu ne t'a pas créé avec erreur. Bannis ces complexes d'infériorité. Ne te considère plus comme le plus petit. Ne te considère plus comme le fainéant, comme la fainéante, comme la moins intelligente, comme le moins intelligent. Tu es intelligent, tu es beau, tu es belle. Dieu t'a créé, tu es une créature merveilleuse à l'image de Dieu. Bannis ce complexe d'infériorité. Dieu dit à Gédéon, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Madian représente tout ce qui constitue comme des obstacles, des barrières devant toi. Tout ce qui t'écrase, c'est ce Madian. Cette année, le Seigneur dit, je serai avec toi. Tu vas vaincre ton Madian. Tu vas vaincre ton Madian. Celui qui s'oppose, toutes ces forces qui s'opposent, qui te barrent la route pour que tu ne puisses pas émerger. Le Seigneur dit, je serai avec toi. Tu battras Madian. Dieu ne te bénit pas en fonction de ta position familiale. Dieu ne te bénit pas en fonction de ton village. Dieu ne te bénit pas en fonction de tes diplômes. Dieu peut élever quelqu'un, même qui n'a même pas de gros diplôme. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de ce monde. C'est ce Dieu qui pouvait élever un berger comme David. Celui qui n'était même pas programmé par ses parents pour devenir roi. Mais Dieu l'a élevé. Bannis donc ce complexe d'infériorité. Dieu va te positionner cette année. Il va faire de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ, je vais dire à quelqu'un, le Seigneur veut t'utiliser dans le ministère. Ce n'est pas à cause de tes diplômes, mais le Seigneur te dit, sois obéissant, sois disponible. Il dit, je serai avec toi et tu battras Madian. Dans ta famille, il y a des morts de manière cyclique. Mais le Seigneur t'a choisi. Cette année, prends au sérieux. C'est toi que Dieu va utiliser pour mettre fin à ce cycle. Mais il faut que tu t'engage. Il dit, tu as une force en toi. Bannis ce complexe et tu battras Madian. Tu battras ce puissant de sorcellerie qui bloque ta famille et tu vas les terrasser au nom de Jésus. Louons le Seigneur par ce chant. Réserve vers renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les familles du Dieu vivant, brille le soleil et le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Oui, je sens couler la vie dans tes parvis. Et mon âme ne veut que dire, je suis servi. Je viens t'adorer. Dans ces lieux dorés, je viens me restaurer. Te dire un mot est un bonheur pour moi. La rosée de ta présence me rassure. Et ton amour me libère de mes blessures. Je me sens renaître et tout mon être voudrait reconnaître en toi, Seigneur Jésus, les divins maîtres. La rosée de ta présence me rassure et ton amour me libère de mes blessures. Et tout mon être voudrait reconnaître en toi, Seigneur Jésus, les divins à Dieu. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Commence à louer le Seigneur. Glorifie-le. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Nous prions chaque 5h temps universel. Si vous voulez suivre en direct OSB, vous pouvez tout simplement capter la radio Fréquence Vie en utilisant l'application VoxM, VoxM, ou bien vous pouvez aussi nous suivre sur la plateforme TuneIn, TuneIn et vous tapez Radio Fréquence Vie. Nous produisons cette émission à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous encourageons tous ceux qui captent OSB par WhatsApp à partager avec des amis, avec tes parents, partout dans le monde. Notre passage du jour, c'est Juges 6, 14 à 15. Dieu dit, va avec la force que tu as. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour que nous soyons conscients et que nous puissions exploiter cette force en tant que chrétiens. La présence du Saint-Esprit, la parole de Dieu qui est en nous, afin que nous puissions évangéliser, pour que nous puissions proclamer la parole, pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus, dans nos familles, dans nos villages, puissent le rencontrer au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas toujours besoin d'un pasteur, mais toi aussi le Seigneur peut t'utiliser. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, notre Dieu et notre Père, le Tout-Puissant, le merveilleux Dieu qui nous a sauvés, qui nous a restaurés, qui nous a guéris, qui nous a transformés, qui nous a requinqués, qui nous protège, qui combat pour nous, le Dieu qui veille sur nous, le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer, le Dieu qui ferme les portes de l'ennemi autour de nous et personne ne peut ouvrir. Nous voulons le saluer ce matin, l'acclamer et le bénir. Et nous voulons témoigner de ses bienfaits, de ses hauts faits, qui fait pour nous de grandes choses. Il nous a rachetés à un grand prix. Et par la rédemption, en tant que fils, en tant que chrétien, nous aussi, nous sommes appelés à aller appeler les âmes à la conversion. Nous voulons rendre témoignage de ce que Jésus-Christ fait dans notre vie de façon individuelle et en tant que famille et église. Nous sommes appelés à aller dans le camp de l'ennemi pour dépeupler son camp et pour enrichir et pour peupler le camp de Dieu. Que la honte, que la peur quittent nos cœurs, nos vies et que nous nous levons comme des évangélistes partout où nous sommes pour annoncer que Christ revient, que Christ revient, que Christ est Dieu, que Christ est Seigneur, que Christ est la solution de ce monde, que Christ, oui, béni. Merci Seigneur notre Dieu pour cette force, pour cette grâce que tu accordes à quelqu'un en le faisant. Merci de nous accompagner par des bénédictions de tout genre. Merci de bénir nos vies, nos mains, nos églises et que l'évangélisation, ô Dieu, soit pour chacun de nous tous les jours, en tout temps, pour dire à quelqu'un que Jésus l'aime, que Jésus revient bientôt. Merci pour cette grâce que tu nous fais au nom de Jésus. Amen. Amen. La force que nous avons, c'est aussi le potentiel, les talents, les dons, les biens que nous avons, l'argent. Nous allons prier cette année. Il y a des gens qui hésitent toujours. Dieu veut le bénir. Dieu veut faire de toi un grand opérateur économique. Mais tu dis, je n'ai pas encore l'argent. Mais cette année, tu vas prier pour que Dieu te libère, pour que tu puisses démarrer quelque chose. Pour que tu puisses démarrer quelque chose. Il y a des gens qui vont commencer déjà la construction de la maison. Tu dis, je n'ai pas de moyens. Mais Dieu dit, avec la force que tu as, avec le peu que tu as, tu peux démarrer. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espérer. Opération Éternel Dieu, je chanterai toujours tes bontés. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. Oui, je le dis, la bonté est édifiée pour toujours. Tu fondes ta fidélité dans le ciel. J'ai l'occasion, j'ai l'opportunité ce matin d'invoquer une fois de plus ton nom pour te dire merci. Parce que c'est toi qui crées en moi la vie, le mouvement et l'être. Je prie au Père éternel ce matin et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout potentiel est réactivé, activé en moi afin que je puisse fournir le meilleur de moi-même. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le plan que tu as prévu pour eux se manifeste, que le potentiel de chacun d'entre eux soit une réalité. Le plan que tu as prévu au Père éternel, qui ne soit jamais compromis. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons la victoire dans la vie de tes fils et de tes filles. Fais prospérer leurs activités, fais prospérer leurs projets, que leur potentiel s'exprime véritablement afin qu'ils soient toujours un témoignage partout où ils iront. Merci Père, parce que tu les capacites. Merci Père, parce que tu fais fructifier leurs activités. Merci Père éternel, parce que tu donnes à chacun la paix, la joie et l'assurance. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu fortifies chacun de tes enfants et tu fais d'eux des témoignages. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous libère de tout complexe d'infériorité et que nous puissions réellement marcher avec le Seigneur qui nous donne la victoire sur nos Madianites. Le Seigneur a dit à Gédéon, je serai avec toi et tu battras Madian. Quel est ton Madian qui t'a toujours terrassé cette année? Le Seigneur dit, il te donne la victoire sur ton Madian. Au nom de Jésus, prie pour que cette promesse s'accomplisse dans ta vie et dans ta famille. Père, ce matin, nous voulons encore te bénir, t'exalter. Merci pour tout ce que tu as fait, tu as mis en nous. Merci parce que les Saintes Écritures nous disent que chaque jour, l'ennemi rôde autour de nous. Mais gloire te soit rendue de ce que Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité, je vous ai donné la puissance pour dominer, pour marcher sur l'ennemi, sur les Madianites, sur nos adversaires, sur tous ceux qui se lèvent contre nos vies. Et ce matin, Seigneur, merci d'être l'adversaire de nos adversaires. Merci de faire la guerre à ceux qui nous font la guerre. Merci d'éloigner de nous les Madianites qui sont nombreux. Chaque jour, ils complotent pour nous voir dans la honte, pour que, mariés, nous ne puissions point enfanter, pour que nous n'arrivions point dans le mariage, pour que nous n'arrivions point à percer, que tout ce que nous faisons soit négatif. Mais gloire te soit rendue, parce que tous les jours, tu nous donnes la force de dire non aux œuvres des Madianites, de dire non au plan du diable. Seigneur, où qu'ils se trouvent ces Madianites, quelle que soit la force qu'ils ont, nous voulons anéantir leur pouvoir. Parce que nous, petits enfants, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous s'appelle Jésus et il les a vaincus. Il nous a donné cette force et ce pouvoir de vaincre ces Madianites. Maintenant, nous déclarons que quelqu'un est requinqué, quelqu'un est récapacité pour dire non aux œuvres des Madianites, pour combattre jusqu'au dernier degré les Madianites et pour crier victoire et pour marcher toujours dans la victoire et demeurer toujours dans la victoire, car c'est ainsi que Christ nous a appelés en tant que Dieu. Selon Psaume 82, verset 6, je le dis bien, vous êtes des dieux, vous tous, vous êtes de la famille du Dieu très haut. Alléluia. Merci Seigneur, parce que par cette écriture et selon Jean chapitre 10, verset 34, nous sommes maintenant plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Prends toute la gloire, toi qui vis à nous et toi qui combats pour nous et qui nous donne la victoire sur tous nos Madianites, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.